La galette des rois par Jean Lecoq. C'est la galette que nous offraient jadis fort gracieusement nos boulangers et dans laquelle un petit baigneur de porcelaine remplaçait la fève de nos vieilles traditions. Je vous parle là de temps très lointain, car c'était avant la guerre. À cette époque, pas un boulanger n'eût manqué d'offrir à ses clients habituels la galette des rois. La dépense était prévue dans les frais généraux. Les gindres donnaient cette nuit-là un fameux coup de collier. Et le lendemain était jour d'étrenne pour les porteuses de pain. Heureux temps où nous avions la miche d'un kilo pour 9 sous et la galette pour rien du tout. La guerre vint. Il fallut économiser la farine, supprimer la pâtisserie. Adieu les réjouissances familiales de l'épiphanie. Adieu les petits cadeaux qui entretenaient l'amitié entre le boulanger et sa clientèle. Plus de galettes. Ainsi s'en vont les bonnes habitudes. Et quand elles sont parties, elles ne reviennent plus. C'était pourtant une tradition vénérable, car il datait de la Révolution. À la vérité, elle eût daté de bien plus loin encore si le Parlement ne s'y fût opposé. Et voici comment. Les boulangers, qu'on nommait alors Talmisier ou Talmelier, s'avisèrent en l'an 1714 de fabriquer des galettes et de les envoyer en cadeau à leurs clients le jour des rois. Mais les pâtissiers virent dans ce fait une atteinte à leurs privilèges. Ils réclamèrent au nom de leurs droits contre ce qu'ils considéraient comme un empiètement. La boulangerie refusa de céder. La pâtisserie s'entêta, si bien qu'il fallut en appeler au Parlement. Celui-ci mit gravement la main à la pâte et rendit un arrêt par lequel il était fait défense aux boulangers de fabriquer et donner à l'avenir aucune espèce de pâtisserie, d'employer du beurre et des œufs dans leurs pâtes et même de dorer leur pain avec de l'œuf. Les pâtissiers triomphaient, jusqu'au jour où la suppression des jurandes et des corporations rendit enfin toute liberté au commerce. Ils eurent seuls le privilège de fournir Paris de la galette des rois. Si haut qu'on puisse remonter dans l'histoire, je crois bien qu'il n'est pas de festin d'épiphanie sans galette. Les chroniqueurs affirment qu'on en mangeait déjà, en France, au temps de Hugues Capet. Mais cette galette n'avait rien de commun avec la fine galette d'aujourd'hui. C'était une pâtisserie lourde et compacte, dont la recette s'était perpétuée dans certaines provinces sous le nom de galette de ménage ou galette de plomb. Quant à la galette feuilletée, ce n'est autre chose que le bourek qu'on mange de temps immémorial en Turquie et en Perse. D'aucuns assurent que la recette en aurait été apportée en Europe par les croisés. Il est plus probable qu'elle fût introduite à Paris beaucoup plus tard par les coqs ou cuisiniers turcs qui vinrent très nombreux sous les règnes de Louis XIII et de Louis XIV. Quoi qu'il en soit, galette de plomb ou galette feuilletée, il n'y eut point, au cours des siècles, de vrai festin des rois sans qu'on tirât le gâteau. On le tirait à la cour et à la ville, chez les grands seigneurs aussi bien que chez les bourgeois. Aucune fête familiale ne fut plus ancrée dans les mœurs que celle-là. Les auteurs de mémoires du XVIIIe siècle nous ont gardé de savoureuses descriptions des fêtes des rois à cette époque. Entre autres anecdotes curieuses, l'un d'eux rapporte qu'en 1774, les trois petits-fils de Louis XV ayant tiré les rois, la fève se trouva brisée en 3 morceaux. Chacun d'eux, par hasard, eut le sien. Les faiseurs de pronostics en conclurent que les 3 frères, alors âgés de 20, 19 et 17 ans, se succéderaient sur le trône. Et en effet, l'aîné, Louis XVI, fut roi la même année et les 2 autres régnèrent plus tard sous les noms de Louis XVIII et de Charles X. La Révolution voulut s'attaquer à la galette des rois. Ce fut en vain. Elle parvint à supprimer les rois, mais la galette résista. On n'abolit pas du jour au lendemain des habitudes conviviales dont la tradition remonte dans la nuit des temps. Les hommes de la Révolution se trompaient d'ailleurs quand, dans leur ardeur à détruire toutes les fêtes coutumières du régime déchu, ils taxaient celles des rois, suivant l'expression de Manuel, de réjouissances anticiviques et contre-révolutionnaires, et en réclamaient l'interdiction. La Convention comptait encore des hommes de bon sens. Quand on leur proposa d'abolir la fête des rois, ils passèrent simplement à l'ordre du jour. Tout au plus, décidèrent-ils que le gâteau des rois s'appellerait désormais gâteau de l'égalité et que dans le calendrier nouveau, l'épiphanie deviendrait la fête du bon voisinage. Cette décision parlementaire, comme tant d'autres décisions parlementaires, resta d'ailleurs lettre morte. Le gâteau et la fête continuèrent à s'appeler comme devant et l'on vit, en pleine terreur, des pâtissiers affichés et des clients acheter ouvertement des gâteaux des rois. Ainsi, l'éphémère souveraineté de la fève, plus forte que les souverainetés de droit divin, survécut aux bouleversements politiques et triompha des révolutions. Dans les provinces, La coutume du jour des rois voulait que chacun se retournât manger la galette et passer la nuit des rois sous le toit familial. En Picardie, en Artois, en Flandre, quand venait l'épiphanie, on n'eût pu retenir un domestique dans les fermes. C'était la fête intime, celle qui réunissait à la table paternelle les enfants éloignés les uns des autres tout le reste de l'année. C'était le jour de la famille, et chacun dans le pays eût préféré perdre sa place que de ne pas aller auprès de ses parents tirer le gâteau des rois. Une croyance populaire prétendait même que c'était là un usage commun aux bêtes comme aux gens, et je me rappelle qu'en ma jeunesse, un vieux bûcheron de la forêt de Mormal m'a conté que cette nuit-là, les oiseaux eux-mêmes s'en retournaient couchés au nid où ils étaient nés. Paris a toujours adoré la galette. Au commencement du siècle dernier, florissait l'établissement de la mère Marie, situé non loin de la barrière de Fontainebleau. Là se pressait la jeunesse dorée, qui venait engloutir gâteau sur gâteau en les arrosant de vin suret. Telle était la vogue des galettes que l'on épuisait jusqu'à 20 sacs de farine par jour, et qu'au bout de quelques années, la mère Marie, devenue riche, put vendre son établissement à un prix très élevé. Nous aurions pu célébrer, ces jours derniers, le centenaire d'une autre galette, la galette du gymnase. Cet établissement, bien connu de tout Paris et des étrangers et provinciaux, qui au moins une fois dans leur vie ont promené leurs pas dans la capitale, naquit au mois de décembre 1820, en même temps que le théâtre du gymnase et s'installa à ses côtés. Il partagea ses succès et lui dut sa renommée. La petite Léontine Fay, l'enfant précoce, la mit à la mode en chantant dans la mansarde des artistes. Oui, j'aime la galette, mais savez-vous comment? C'est quand elle est bien faite et qu'il n'y a du beurre dedans. La fantaisie parisienne avait surnommé le marchand de galettes du gymnase le père Coupe-Toujours. On comptait qu'en moins de 20 ans, la maison avait passé en plusieurs mains et que tous ces pères Coupe-Toujours s'étaient retirés après avoir fait fortune en quelques belles villas de Saint-Cloud ou de Ville-d'Avray. L'établissement faisait en effet d'excellentes affaires. Modestement ouvert dans une petite boutique, il avait pris bientôt un tel développement qu'il n'occupait pas moins de 30 personnes logées et nourries sur place. La maison atteignait un chiffre d'affaires dont on aura une idée quand on saura que 3 000 kilos de papier suffisaient à peine chaque année pour envelopper les morceaux de galette distribués aux consommateurs. « De la galette, plus on en coupe, plus on en gagne », disaient les titis du gymnase en pensant au père Coupe-Toujours. La galette, ce n'est pas seulement au sens propre, le savoureux gâteau des rois, c'est encore, au sens figuré, quelque chose de plus désirable que vous connaissez bien, car nul n'ignore que le mot s'applique communément à tout autre objet que de la pâtisserie. La galette, c'est tout ce qui garnit le portefeuille ou le gousset, c'est l'or, c'est l'argent, c'est le billon même, c'est le papier de la Banque de France, et c'est, en un mot, tout ce qui cause beaucoup de nos joies et encore plus de nos ennuis. Or, vous êtes-vous jamais demandé d'où venait cette expression? Pourquoi donne-t-on à la monnaie ce nom familier de galette? Est-ce parce que la galette est ronde? Ronde comme sont, ou plutôt comme était jadis au temps où il y en avait, le louis et la pièce de 100 sous? Est-ce parce que les petites parisiennes, qui adorent la galette, n'ont pas trouvé pour désigner ce qui nous est le plus utile et le plus précieux en ce bas monde, de nom mieux approprié que celui de leur régal favori? J'ai jadis posé la question au lecteur du petit journal, et l'un d'eux m'a donné une explication infiniment plus vraisemblable. La voici. En 1854, il y avait à Marseille, dans un music hall, on disait alors un café chantant, situé derrière la bourse au bois et que fréquentaient les matelots, une chanteuse nommée Silva, dont le public raffolait. Or, un soir du mois de décembre, à la veille du jour de l'an, la salle du café-concert marseillais était particulièrement animée. Tout l'équipage d'un trois-mâts, arrivé le jour même de la réunion, y menait grand tapage. Les Mathurins, si longtemps privés de joie terrestre, prenaient leur revanche et sablaient gaiement le champagne en grignotant de délicieuses petites galettes rondes, spécialité culinaire de l'établissement. La chanteuse Silva parut en scène et débita quelques chansons joyeuses. Ce fut du délire. Les marins, qui n'entendaient depuis 2 mois que la monotone chanson des vagues, trépignaient d'enthousiasme. Comment témoignaient généreusement leur plaisir à la belle fille qui les réjouissait ainsi? L'un d'eux eut une idée. Dans l'épaisseur d'une galette, il glissa une pièce de 100 sous qu'il jeta sur la scène. Le gâteau s'éparpilla en tombant et la pièce de 100 sous roula aux pieds de la chanteuse. Celle-ci la ramassa et la montrant au public. « Allons, dit-elle, qui veut m'envoyer encore de la galette ?» Tous les matelots imitèrent le geste de leurs camarades, et les écus, dans leur écrin de pâtisserie, tombèrent drus comme grêle autour de l'artiste. « De la galette, de la galette !» criait celle-ci en riant. Et le mot resta. Il se répandit dans Marseille, et de Marseille gagna Paris, et de Paris le reste de la France. L'Académie n'a plus maintenant qu'à l'admettre dans son dictionnaire. Et voilà comment les expressions populaires viennent au monde et font leur petit bonhomme de chemin. Ainsi s'achève La galette des rois de Jean Lecoq.